vacarme, c'est terminé. Merci de nous être fidèles. Très bon après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la drogue. On avait le monopole de l'opium. L'État vendait de l'opium aux Indochinois. Ça a été comme ça jusqu'à 1945. Conquête, guerre et lendemain qui déchante, une histoire en croissance. Jusqu'au début du XXe siècle, tous les produits étaient en circulation légale dans tous les pays. Avec l'argent de la drogue, les FARC achètent des armes, des munitions, mais aussi des outils de communication qui leur permettent de synchroniser les différents fronts et d'entamer une progression fulgurante. Quand vous stoppez une offre d'opiacés sur un territoire, les gens qui sont dépendants aux opiacés, ils en cherchent des opiacés parce qu'ils n'ont pas le choix. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio, télévision suisse, s'il vous plaît? Je m'appelle Ruth Dreyfus, je suis à la retraite, mais d'une vie bien avec beaucoup d'activités, la dernière étant celle de conseillère fédérale. Cette semaine, Histoire vivante se consacre au thème de la drogue, à laquelle une grande partie de votre vie est également consacrée. On va peut-être faire un retour aux sources. Pour vous, quelle est la porte d'entrée? Pour moi, le problème de la drogue émerge vraiment comme un défi à relever à la fin des années 80, au moment où l'épidémie du sida est à son maximum en Suisse, la Suisse d'ailleurs ayant un des taux les plus élevés d'Europe, où l'on a des cas d'overdose et où effectivement on a une jeunesse qui s'adonne à la consommation de drogue d'une façon très visible. On peut être sensible à des dossiers et puis être d'autant plus rendu sensible quand des cas proches peuvent vous toucher directement ou indirectement. Est-ce que Ruth Dreyfus, dans votre cas, ça a été ça aussi? Pas directement, mais effectivement, l'histoire d'une amie qui perd un fils par overdose m'a montré les difficultés, au fond, de viser purement à l'abstinence. Ce jeune homme avait vraiment fait le pari de l'abstinence. Il avait suivi un traitement très dur pendant 2 ans, je crois. De privation? Absolument. Il est revenu de ce traitement, il a recommencé à consommer, il est mort. À 22 ans, au moment où il commençait des études. Et là, si j'ose dire, on est dans un fait divers courant. On est dans un fait divers qui, effectivement, se répète dans les grandes villes, en particulier de Suisse. Alors, vous relevez les manches et comment vous attaquez le problème? Alors d'abord, je soutiens d'autres qui relèvent les manches à Berne, je souligne toujours le côté, au fond, conservateur et tranquille d'une petite ville. On commence à avoir des intervenants sur le terrain de tout type, des collégiens qui viennent soutenir dans la scène ouverte des consommateurs de drogue avec de la nourriture, des membres de la famille qui viennent essayer de sortir leurs enfants de cette scène ouverte. Et puis on voit effectivement les premiers pas, ce qu'on appelle un drop-in d'abord, où on peut venir, c'est un endroit où on peut se sustenter, se reposer un peu sans qu'on pose de questions. Et puis le premier local d'injection supervisé au monde est créé à Berne en 86. Donc c'est vraiment une réaction qui dit clairement, face à ce phénomène, la priorité c'est de sauver des vies, la priorité c'est d'empêcher la dissémination du sida, la priorité c'est d'entrer en contact avec des gens qui consomment des drogues. Ces approches font-elles polémique ? Elles sont étonnamment tranquilles, mais je dirais que c'est une tranquillité qui est due au désespoir face à une situation dont on ne sait pas comment en devenir maître autrement. Vont-elles finir par devenir polémiques? Relativement peu. En fait, très rapidement, on voit un mieux-être. On voit une diminution du nombre d'overdoses. Et puis on voit que la population des consommateurs de drogue réagit aux offres de services et qu'elle se comporte d'une façon, je dirais, de plus en plus responsable. C'est mon expérience d'ailleurs très réjouissante de toute cette bataille dans le domaine de la lutte contre le sida en particulier, c'est de voir que les populations les plus touchées réagissent de façon responsable. Alors si je fais une petite parenthèse en parlant du sida et pas de la drogue, nos premiers alliés, c'est les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, et ils en savent beaucoup et ils réagissent très rapidement et d'une façon très raisonnable et rationnelle. Le deuxième groupe, c'est les travailleurs du sexe, et eux aussi et elles aussi réagissent avec beaucoup de connaissances et beaucoup de volonté de contribuer à affronter le problème et à le résoudre. Pour les consommateurs de drogue, c'est moins clair puisque à ce moment-là, ils sont encore criminalisés. Ils risquent l'arrestation, ils risquent des mesures, disons, de prise en charge qu'ils considéreraient sans doute comme trop restrictives de leur liberté. Précisément dans cette dialectique entre répression et accompagnement, comment va se passer le dialogue ? La Suisse va faire ce choix. En fait, elle va le faire d'abord parce que elle va s'appuyer sur les expériences des intervenants, des professionnels sur le terrain. Je vous rappelle que là, on est à l'époque des scènes ouvertes. Les scènes ouvertes, c'était la police qui les avait d'abord voulu, en se disant qu'on protégeait les quartiers d'une ville en concentrant à un endroit les problèmes, plutôt que de continuer à jouer au chat et à la souris en supprimant, disons, et en réprimant le deal et la consommation dans un quartier. Ils se sont rendus compte que ça se passait tout simplement après dans un autre quartier. Et donc, cette volonté de regrouper la consommation et par là même aussi le deal à un seul endroit était d'abord une stratégie au fond policière de « containment ». De cordon sanitaire, je dirais presque, autour du Platzspitz pour commencer, d'autres endroits après. L'avantage, c'est que ça a été de rendre visible le phénomène. Et le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas abandonné ces lieux sans y offrir des services. Et là, il y a eu des professionnels, je pense à un professeur de médecine à Zurich, d'autres médecins, des travailleurs sociaux qui sont intervenus en disant « on doit faire quelque chose ». Et c'est comme ça qu'on a commencé avec les seringues propres et avec justement l'idée de lieux de repos, voire de lieux de consommation. Quand une formule marche, pardon pour la formule, on a tendance évidemment à se dire c'est déjà ça. On peut sans doute exporter, voire peut-être penser élargir, agrandir. Est-ce que ça a été votre pensée, Dreyfus ? À l'époque, il fallait vraiment résoudre, et au fur et à mesure où je prenais des responsabilités nationales, bien sûr, penser d'abord à résoudre notre problème en Suisse. Ce qu'il fallait faire, c'était vraiment rendre ces services accessibles à tout le monde. Et puis les développer, parce que pour fermer les scènes ouvertes, ce qui a été très, très rapidement mon objectif, il fallait offrir encore plus que tout simplement des mesures de réduction de risque, comme on les appelle. Il fallait offrir des possibilités de retrouver vraiment un équilibre de vie, c'est-à-dire des traitements, des thérapies, y compris des thérapies de substitution. On avait déjà une grande expérience en Suisse avec la méthadone, mais ça ne marchait pas pour tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on a expérimenté la prescription de diamorphine, qui est tout simplement le nom médical de l'héroïne. C'est-à-dire qu'on a décidé que des personnes qui étaient effectivement dépendantes, qui avaient échoué dans d'autres traitements, devaient au fond pouvoir recevoir dans un dispensaire et sous des conditions très strictes la substance dont leur corps avait besoin, leur corps et leur vie finalement. Donc c'était ça les défis nationaux. Mais bien sûr qu'on se heurte ensuite très rapidement aux règles internationales. Parce que le système ou le régime international de contrôle des drogues C'est lui qui, en fait, a influencé les lois nationales, y compris la loi sur les stupéfiants en Suisse. Et là, nous avons rencontré une très grande méfiance au départ. Nous avons été, sinon accusés, du moins soupçonnés de violer nos engagements internationaux. Nous avons été soupçonnés d'ouvrir la voie, au fond, à des réponses qui pourraient, en particulier dans d'autres pays plus fragiles, entraîner une recrudescence de la consommation et du trafic. Ces accusations venaient d'où ? Et sont-elles, pour préciser ma pensée, d'abord et essentiellement politiques ? Autrement dit, est-ce que la politique s'inscrit plus ou moins inévitablement là-dedans, sachant que dès lors, le dossier sert d'instrument ? Ces accusations ou ces soupçons venaient de pays qui poursuivent tout simplement le pari que la prohibition est la réponse à la fois à la production, au trafic et à la consommation. On peut les citer, je veux dire, c'était très clairement en premier lieu peut-être les pays d'obédience musulmane. C'était le Japon, la Russie, l'Égypte. En tête de file, justement, peut-être, de pays africains et puis les États-Unis d'Amérique. Et là, nous sommes dans quelles années ? On a donc avancé ? On est plutôt vers les années 90 ? On est dans, disons, c'est tout au long des années 90 tout au long des que années cela 90. Se développe, parce que je dois rendre hommage aussi à mon prédécesseur, Flavio Cotti, qui avait posé les premières bases, disons, d'une approche de santé publique. Alors, la Suisse réussissant son geste, arrive-t-elle à l'exporter, à intéresser suffisamment autour d'elle, voire loin d'elle, en disant, peut-être d'ailleurs en organisant des visites, si j'ose dire, regardez le résultat ? La Suisse éveille un immense intérêt, en particulier en Europe, mais pas seulement. Je pense aussi à l'Australie, à certains pays d'Amérique latine. Mais ce sont des annonces de visites, des demandes d'informations qui vraiment nous inondent, je dirais, y compris, pour ne prendre qu'un exemple qui est peut-être celui qui m'a le plus surpris, ce qu'on appelait le tsar de la drogue des États-Unis, le général McCaffrey, qui est venu voir ce que faisait la Suisse. Et n'en croyant pas ses yeux. N'en croyant pas ses yeux et à mon avis, considérant que ce que nous faisions avec ce contrôle très très strict de ce que nous faisions avec l'évaluation scientifique qui accompagnait la mise en place de nouveaux services, avec cette volonté aussi de répondre aux besoins des gens et d'une façon très très directe et ciblée, l'a finalement impressionné. Ses derniers mots, à peu près, en nous quittant, étaient de dire, écoutez, en particulier l'expérience que vous avez avec les traitements de substitution, chez nous, ça ne pourra être que la méthadone, mais vos expériences nous intéressent. Il était beaucoup, beaucoup plus critique pour une autre expérience qui se déroulait à peu près en même temps, qui est celle des Pays-Bas, avec les coffee shops et la possibilité, donc, de tolérer la consommation de cannabis. Et là, il y voyait vraiment alors une rupture des conventions internationales qui restent absolument prohibitives, mais qui ouvrent la voie. Et je dirais, aujourd'hui, nous en sommes à, sur le plan international, à une reconnaissance que ce que nous avons fait en santé publique, que la dépénalisation de la consommation et de la possession pour la consommation propre, que la nécessité d'une proportionnalité des peines pour les petits agents non violents en bas de la pyramide criminelle, que tous ces éléments-là sont effectivement en harmonie avec les conventions internationales. Ce qui ne l'est pas, et je pense que là nous devons continuer à y travailler, c'est bien sûr la régulation de ces marchés qui actuellement sont abandonnés en des mains criminelles. Bon, Dreyfus, on fait un saut dans le temps, et si nous avions, dans cette première partie d'entretien, évoqué les succès connus en Suisse, Suisses parfois copiés dans ces propositions, on arrive, des années plus tard, à un étrange constat, paradoxal. La guerre contre la drogue s'est soldée par un échec. On peut revenir sur les raisons de cet échec, même si vous en avez un petit peu esquissé les contours, et peut-être passer surtout aux alternatives. Qu'est-ce qui a échoué d'un côté? Qu'est-ce qui pourrait, sinon moins échoué, peut-être réussir? Il est évident que, une fois qu'on a trouvé les réponses de santé publique, et il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, parce que les substances changent, parce que les modèles de comportement changent également, et donc si on a développé des réponses efficaces dans le domaine des opiacés, en particulier de l'héroïne, que l'on sait que l'injection de drogue est une voie vers la contamination par les maladies transmissibles, il y a encore beaucoup à faire dans le domaine tout simplement de la santé publique. Mais si l'on fait l'impasse sur le rôle des organisations criminelles, alors je crois qu'on a résolu que la moitié du problème, et moins encore que la moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement que la répression est une répression qui s'est focalisée jusqu'à présent par absence de possibilité de viser vraiment la tête de l'hydre, si vous voulez. Et l'image de l'hydre est bien celle qu'il faut utiliser, parce qu'il suffit de couper une tête pour que plusieurs repoussent même. Ce qui est important, c'est de constater que la répression, elle s'est exercée en bas de la pyramide. Elle s'exerce sur les consommateurs. L'explosion carcérale que le monde a connue au cours des 25 dernières années est due essentiellement à des politiques drogue erronées. Elle s'attaque aux petits acteurs de la chaîne. Les proies les plus faciles. Les prolétaires, les ouvriers de la chaîne qui, en fait, n'ont aucun moyen de faire remonter la répression là où elle devrait s'exercer, et qui a aussi contribué à peupler les prisons, prisons dans lesquelles ces gens peuvent être recrutés plus facilement, etc. Elles ont fait l'impasse sur la question sociale de ces zones déshéritées où on recrute effectivement ces prolétaires du marché de la drogue. Et on a, de façon insuffisante, attaqué le sommet de la pyramide. Et là, tous les pays sont responsables. Beaucoup plus même que les pays de consommation eux-mêmes, c'est ceux où l'argent est lavé. C'est ceux qui abritent l'argent de la corruption, c'est les chefs d'État qui se laissent corrompre, qu'il faut effectivement combattre. Mais j'ajouterais qu'il faut combattre le crime organisé, transnational, non pas seulement sur la drogue. Ça n'est que l'un des secteurs. La flexibilité, le business model de la criminalité est vraiment, pourrait être un modèle pour les grandes entreprises internationales qui agissent dans le secteur légal. Roberto Saviano parlait de turbocapitalisme à propos de la criminalité. C'est le turbocapitalisme, je dirais, c'est surtout un système totalement libéral. Tout est possible là-dedans. Alors, au nom de la lutte contre les méfaits de la drogue, on a laissé fleurir un système où tout est possible, où la qualité ne joue pas de rôle, sinon pour attirer peut-être des consommateurs plus exigeants. La qualité est haute en Suisse, par exemple, parce que nous sommes riches et parce que les gens sont exigeants en termes de qualité. Mais ailleurs, ça peut être du poison pur qui est distribué. Il y a du ciment qui peut être dans la cocaïne, etc. Donc voilà. Ce qui est très important à dire, c'est que le système échoue, même si l'on considère uniquement la répression du grand banditisme, parce que, encore une fois, c'est cela qu'il s'agit. La drogue, les drogues, ce sont des biens de consommation que l'on peut réguler autrement. On peut reprendre le contrôle de ce marché et ne pas l'abandonner aux organisations criminelles. Et je crois que c'est ça le grand défi qui nous attend. Thank you. Alors, vous allez avoir quelques minutes pour nous expliquer comment. Parce que jusque-là, soit la proposition du combat n'a pas été suffisamment clairement entendue, ou alors clairement énoncée, ou alors les approches sur le comment divergent. Faites-nous un peu l'état des lieux et le paysage, Rodrigue, de ça. La régulation des marchés, elle est en train d'être expérimentée sur une substance, le cannabis. Pourquoi sur le cannabis ? Parce qu'on se rend bien compte que c'est une consommation finalement très large et dont les effets sur la santé publique sont du même ordre que l'alcool et le tabac et ne sont pas d'une gravité exceptionnelle. Il n'y a pas d'overdose, par exemple, en termes de consommation de cannabis. Il y a bien sûr des aspects qu'il faut pouvoir prévenir, en particulier la consommation des jeunes encore en formation. Le cannabis, de toute façon, il a été mal classé, mal classifié, si l'on peut dire, puisque dans les conventions internationales et dans les lois nationales, il est considéré comme aussi dangereux que l'héroïne et la cocaïne et qu'on lui a dénié très longtemps toute utilisation, toute utilité médicale. Donc l'évolution... Une aberration. En tout cas, cette erreur de classification repose sur le fait que la science n'a pas joué le rôle qu'elle devait jouer dans l'appréciation de ce qu'est cette plante et que c'est une décision purement politique. Morale. Une décision, je dirais, raciste. Raciste. Pour oser ce terme, la haine du cannabis, la diabolisation du cannabis est venue principalement du fait que d'abord elle était consommée par des latino-américains du bas de l'échelle sociale américaine, donc états-unienne, et ensuite qu'elle a été consommée par des rebelles, une jeunesse qui en particulier ne voulait pas de la guerre du Vietnam. Donc raciste et d'ordre social. C'est la raison pour laquelle c'est le cannabis qui presque automatiquement a soulevé la question de sa régulation. Encore une fois, le parallèle avec l'alcool et le tabac est intéressant parce que je ne suis pas sûr que le modèle alcool et le modèle tabac soit vraiment de très bons modèles pour le cannabis dans la mesure où on a affaire là à un autre libéralisme. Je parlais du libéralisme du marché noir, mais il y a l'autre libéralisme qui fait que la puissance du grand business, du lobbying politique, etc., fait que les règles sans doute ne sont pas assez sévères. Je parle en particulier de l'alcool. Je dirais que pour le tabac, de grands progrès ont été faits, mais on assiste aujourd'hui d'ailleurs à des une reprise en main, je dirais, par les grandes entreprises, les grands tabaquiers, avec de nouveaux produits et des produits qui attirent une nouvelle clientèle. Là où on est placé, au fond, entre deux absences de réel contrôle, celle du big business et du libéralisme économique légal et celle du libéralisme criminel. Et il nous faut trouver au milieu, je dirais, le type de régulation qui correspond à la dangerosité des substances, aux risques qu'ils font courir à la population. Oui, parce que ce qui pourrait être légitime sur le cannabis, comment l'appliquer sur des drogues dont l'effet est beaucoup plus dévastateur. La question donc du cannabis, c'est celle de savoir comment protéger la jeunesse, comment assurer la qualité, etc. Encore une fois, il s'agit de quelque chose que l'on expérimente actuellement et on attend avec impatience, je dirais, le résultat du suivi scientifique des expériences très diverses qui se jouent actuellement entre un modèle très libéral dans certains États américains et un modèle très rigide, par exemple, en Uruguay. Maintenant, bien sûr, il y a des substances qui sont plus dangereuses, par exemple plus addictives que le cannabis. Et là, nous avons à trouver des solutions adaptées à cette dangerosité. Je citerai un exemple. Finalement, en Suisse, avec la prescription médicale d'héroïne, qu'avons-nous fait d'autre que de soustraire 1700 personnes à peu près au marché noir en leur fournissant sous contrôle médical la substance dont ils ont besoin. Nous avons, dans ce sens-là, certainement affaibli massivement le marché de l'héroïne en Suisse. Dreyfus, je vous propose qu'on se retrouve à l'instant même par la magie de la technique pour poursuivre cet entretien et ouvrir d'autres fenêtres sur le site d'Histoire Vivante. Le temps d'antenne nous étant compté, on vous dit déjà merci et puis à tout de suite. Merci. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthe, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.